Salut à tous, il est 20h et c'est Club 80 qui démarre tous les samedis soirs à partir de 20h et jusqu'à 21h. On va se refaire ensemble de la musique club des années 80 avec des titres qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre très souvent. Et on commence tout de suite avec un truc qui est sorti en 1985. Un groupe qui nous vient d'Italie, c'est le groupe Style qui chantait Téléphone. Ha ha ha ha! Vous écoutez Club 80 sur Radio Wetio. Radio Wetio, le son de la crypto. Club 80 sur Radio Wetio. On était avec tout d'abord Téléphone, le groupe Style, sorti en 1985. Juste après, juste à l'instant, on vient d'écouter I'm Wonderful Thing Baby, un bon souvenir également des années 80 avec Kid Creole and the Coconuts. Et maintenant, on repart en Italie puisque nous y étions juste avant avec Tullio De Piscopo et Stop Baron. da su. Si non mi sei accorto con che non lo diciamo. La gente che ti guarda se la fotte lì. Ma non è come brutta sta comare lì. E allora qui, tieni la mente. Per chi non si fa male riesce a me. E si pierda la pacienza su un guai e mo. E allora che ci fa? E allora che ci fa? Hey! Se non ti sei accorto con che uno ti sciacca, la gente che ti guarda se ne fotte niente. Ma non è come brutta sta comare lì. E allora qui, lieva da nanzi. Stanotte a giurmuto senza male panza. Con cose di magnate che ti ha fatta ma tenga televisione 36 canali. Si parla notte insieme soltanto da capelli. Ma quando scimmia fuori sarà primavera. Ma quando scimmia fuori sarà primavera. Ma quando scimmia fuori sarà primavera. Primavera. Primavera, primavera. Samedi soir, 19h, 20h, c'est Club 80. Vous écoutez Radio Wetio. Wetio, la blockchain africaine. Thank you. Il y avait Tullio d'Episcopo, un petit voyage en Italie avec Stop Baron, un autre titre que j'adorais, c'était Toto Coelho, Milk from the Coconuts, le lait des noix de coco. Et puis on va aller faire un petit tour maintenant en Afrique pour retrouver Manu Dibango et son saxophone magique à travers ce titre excellent qui s'appelle Abele Dance. Ouh là là là là là là là là là là là là là là là ouh là là. Abele, Abele, Abele. Avenue. Excellent titre des années 80, on continue cette fois. On va aller se diriger tout doucement vers la musique funk. Ça a été aussi un grand moment dans ces années 80 avec You Got My Love tout de suite. You Got My Love. Radio Wetio, le son de la crypto. Thank you. les heures de gloire de la musique club et de la musique funk des années 80, avec tout d'abord Sharon Redd et You Got My Love, suivi à l'instant de World Premiere qui chantait Share the Night, qu'on a tous entendu évidemment à l'époque dans les discothèques. Et on continue la musique sur Radio With You jusqu'à 21h. Et c'est Cheryl Lee Ralph qui arrive tout de suite in the evening. Radio With You. vous écoutez Club 80 sur Radio Wetio. Club 80, la musique club des années 80, tous les samedis soirs de 20h à 21h. Là aussi un grand souvenir des années 80, le groupe Lime, c'est un groupe canadien francophone avec à l'instant Guilty, il y avait juste avant Cheryl Lee Ralph In the Evening Et puis là, on va rester dans la francophonie, mais c'est évidemment chanté en anglais avec Céron, Jean-Marc Céron, qui s'est lui aussi exilé aux États-Unis pour pouvoir faire une vraie carrière, où il a connu évidemment un succès énorme avec l'un de ses titres phares, Super Nature. Radio Wetio. Vous écoutez Radio Wetio. Ferron avec Super Nature, un titre interplanétaire et un autre titre interplanétaire, la reine du disco Donna Summer, évidemment produit par Giorgio Moroder, un producteur italien qui travaillait à l'époque en Allemagne et qui a produit ce morceau et d'autres morceaux du premier album de Donna Summer en Allemagne, avec le I Feel Love, évidemment, que tout le monde connaît, avec une version extra longue qui avait été faite pour des soirées un peu chaudes aux États-Unis. On lui avait demandé de faire une version très très très longue. Il l'a fait et c'est cette fameuse version incroyable pour l'époque de I Feel Love. Voilà, c'est la fin de Club 80, de ce premier épisode de Club 80, tous les samedis soirs entre 20h et 21h. Et on se quitte avec quelqu'un que j'adore également, qui malheureusement nous a quittés trop tôt en 1982. C'est Patrick Collet, que vous connaissez forcément à travers son morceau avec Sylvester, Do You Wanna Funk. Et là, on termine avec un autre morceau moins connu de lui, mais c'était vraiment pour lui rendre hommage, Primitive World. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt avec Club 80 sur Radio Wetio. Radio Wetio, le son de la crypto.